The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. French Academy. L'Académie française. Roman. Roman. Latin. Le latin. Scholar. Le lettré. Peers. Les pairs. Within. Au sein de. Member of an academy. L'académicien. Patronage. Le mécénat. Bequest. Le legs. Subsidy. La subvention. Charity work. L'œuvre de bienfaisance. Devotion. Le dévouement. Now, a bit faster. Latin. Le latin. Roman. Roman. Charity work. L'œuvre de bienfaisance. Peers. Les pairs. Roman. Roman. Bequest. Le legs. Roman. Roman. Within. Au sein de. Scholar. Le lettré. Devotion. Le dévouement. Bequest. Le legs. Devotion. Le dévouement. French Academy. L'Académie française. Charity work. L'œuvre de bienfaisance. Roman. Roman. Devotion. Le dévouement. Subsidy. La subvention. Charity work. L'œuvre de bienfaisance. Patronage. Le mécénat. Peers. Les pairs. Roman. Roman. Subsidy. La subvention. Member of an academy. L'académicien. Now, use the words in context. Roman. He has a true passion for Romance languages and is learning Spanish, Italian, and French. Les langues romaines sont une vraie passion pour lui et il apprend l'espagnol, l'italien et le français. Les pairs. In the United States, the prom king and queen are students that are chosen by their peers. Aux États-Unis, le roi et la reine du bal de promo sont des étudiants choisis par leur père. Le lettré. That man of letters distinguished himself through the many works that he wrote before the French Revolution. Ce lettré s'est illustré par les nombreux ouvrages qu'il a écrits avant la Révolution française. Au sein de. She was very attracted to morals and virtue, having grown up in a family of strong religious believers. Ayant grandi au sein d'une famille croyante, elle était très attachée à la morale et à la vertu. Le mécénat. It is thanks to the generous patronage of that man that this charitable organization could be created. C'est grâce au généreux mécénat de cet homme que cette association caritative a pu voir le jour. Les pairs. In the United States, the prom king and queen are students that are chosen by their peers. Aux États-Unis, le roi et la reine du bal de promo sont des étudiants choisis par leur père.